Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Fadjet. Bienvenue dans l'émission Délivrer des mots. Aujourd'hui, Covid oblige, nous sommes à distance dans des conditions assez particulières pour cet enregistrement. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur et ce sera une auteure puisqu'on va parler de Madeline Miller. Je suis Léa et je serai votre humble serviteur pour cette émission. On va faire un petit tour de table, je suis avec Baleine. Bonjour. Salut, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Pour ma part, je vais vous parler du mythe d'Achille et de la réécriture de Madeline Miller et finir par un de mes coups de cœur. Super. Je suis aussi avec Winona. Salut, de quoi tu vas nous parler ? Bonjour. Alors moi, je vais vous parler du mythe de Circé et de la réécriture de Miller. Et je vais aussi vous partager un de mes coups de cœur. Très bien. Et enfin, Elisa. Salut Elisa. Hey, moi je vais vous parler de ce que fait Madeline Miller en dehors de ses romans et de mon coup de cœur fantasy. Et toi Léa, tu vas nous parler de quoi ? Eh bien, quant à moi, je vous partagerai un de mes coups de cœur en rapport avec notre thème du jour, qui est la mythologie. Vous allez voir, les œuvres de Miller sont très liées à ce thème. Alors, comme je l'ai dit, notre émission est aujourd'hui consacrée à Madeline Miller. Mais Léa, qui est Madeline Miller ? C'est une excellente question et je te remercie de l'avoir posée. Je vais donc vous dire quelques mots sur cette autrice. Madeline Miller, c'est une écrivaine américaine qui est née à Boston en 1978. Depuis toute petite, elle s'intéresse à l'écriture et à l'enseignement, sans doute inspirée par sa mère qui était libraire et institutrice. Miller est titulaire d'un master en grec ancien et en latin. Et elle enseigne cette matière en collège et en lycée aux États-Unis, bien évidemment. À l'université, elle découvre sa passion pour l'écriture grâce au théâtre, en mettant en scène une pièce de Shakespeare. C'est cette pièce qui va la lancer dans son désir d'écrire, puisque l'histoire se déroule durant la guerre de Troie. Achille, le célèbre héros de la mythologie, y joue un petit rôle. Et c'est cette expérience qui va amener Miller à s'intéresser à ce personnage, et à l'amour de sa vie, Patrocle, un autre soldat grec. Bon, c'est la Grèce antique, hein, vous vous doutez comment ça va finir. Très mal. Pour nos auditeurs qui connaissent déjà l'auteur, vous comprenez où je veux en venir. Pour les autres, sachez que le premier roman de Madeline Miller s'appelle « Le chant d'Achille » et explore la relation qui a lié Achille et Patrocle. 7 ans après ce premier roman, c'est Circé, le deuxième livre de Miller, qui va vraiment la faire connaître. Mais on va quand même revenir à Achille, et c'est Valène qui va nous en parler. Merci Léa pour cette présentation. Pour ma part, je vais vous proposer dans cette première chronique de parler du roman Le Chant d'Achille, le premier roman de Madeline Miller. Il a été publié en 2011 aux États-Unis et en 2016 en France, aux éditions Pocket, au prix de seulement 8,10€. Pour comprendre l'œuvre, il faut avant tout connaître le mythe d'Achille. Achille est le fils de la déesse Thétis et du roi Ptylée. Il est le roi de l'Iliade d'Homère et il est considéré comme un dieu par les Grecs. Il est beau, valeureux, courageux, ce sont des adjectifs qui le qualifient en tant que héros. Allez deviner son principal défaut. Bagarreur ? Non. Macho ? Non plus, il est plutôt orgueilleux. Mais bon, qui ne le saurait pas en étant l'un des plus grands des héros ? On ne peut pas dire qu'il a eu une enfance normale, puisqu'il a été trempé dans le Styx par sa mère Thétis dès son plus jeune âge. Le seul endroit de son corps qui n'a pas été mouillé, c'est son talon, puisque c'est comme ça que sa mère l'a retenu. Son corps est alors devenu invulnérable. Il sera éduqué par le centaure Chiron, qui lui apprendra les arts de la guerre, de la musique et de la médecine. En grandissant, il choisit de participer à la guerre de Troie, en allant à l'encontre de sa mère Thétis, qui veut le garder caché, pour l'empêcher de participer à cette guerre. Pourquoi ? Eh bien, l'oracle de Delphes a fait une prophétie. Sans Achille, la guerre de Troie n'aura pas de fin. Et si Hector est tué, Achille mourra. Pas fun les prophéties. C'est un peu tragique, oui, mais malgré cette prophétie, Achille décide quand même d'y aller, accompagné de son cousin, Patrocle, qui serait en vérité son amant. C'est là qu'il va également faire la rencontre d'Ulysse et rejoindre ainsi les camps des Grecs. Sa mère a fini par accepter de le laisser partir, mais elle lui a quand même donné une armure faite par le dieu forgeron Héphaïstos. Sur le champ de bataille, Achille tombe amoureux de Briséis, une prisonnière de guerre troyenne. Quelle surprise! Ah bah super le contexte! Ça c'est sûr. Agamemnon, qui est le roi de Mycène et le chef de la troupe, veut lui prendre Briséis pour l'humilier. Cela entraînera une guerre dans la guerre entre eux et cela poussera aussi Achille à quitter le champ de bataille. Patrocle, qui ne voulait pas que son cousin ou amant soit déshonoré en ne se battant pas, enfilera l'armure d'Achille et va malheureusement mourir de la main d'Hector, un héros troyen connu pour sa force. Achille, touché par la mort de son amant, revient dans le champ de bataille et tue Hector. Il meurt peu de temps après, touché d'une flèche dans le talon, son point faible, le karma. Si vous ne le connaissez pas avant, vous avez maintenant une petite idée de l'histoire d'Achille. On va enfin passer à la réécriture de Miller, je sais que vous l'attendiez tous. Oui, vas-y, raconte-nous tout. Pour résumer l'histoire, on suit Patrocle, fils de Manéostios. Il est exilé par son père après avoir tué un jeune garçon. Sacré scénario. Ça, c'est vrai. Lors de son arrivée à Afti, il rencontrera Achille et ils vont passer leur enfance ensemble. Va ainsi se créer une grande amitié et même un peu plus que cela. Ils sont malheureusement destinés à rejoindre la guerre de Troie qui va totalement bouleverser leur destin. Dans cette réécriture originale et romancée de Madeline Miller se concentre sur la relation d'Achille et Patrocle ainsi que sur la guerre de Troie. Nous retrouvons plusieurs personnages mythiques et des héros tels que Ulysse et Agamemnon et des dieux comme Zeus et Apollon. Miller développe une romance entre les deux jeunes garçons. Elle insiste sur les sentiments qui se portent mutuellement. C'est un sujet assez ambigu dans certaines versions du mythe. On suit le point de vue de Patrocle dès son enfance. C'est un personnage totalement opposé à Achille. Il est gringalet, réservé et n'a aucun avenir. Contrairement à Achille qui a d'innombrables qualités et un fabuleux destin. Nous voyons à travers les yeux de ce jeune mortel ce que représente Achille dans ce monde. Il est tout simplement la lumière qui le guide. On y perçoit tout de l'amour et l'admiration que porte Patrocle à Achille. On ne connaît pas le fond de pensée d'Achille, mais on ressent ses sentiments envers Patrocle. Un amour inconsidérable. Ça se voit notamment à travers ses actions et son envie de protéger Patrocle. Oh, c'est mignon. Achille est montré plus comme un mortel qu'un demi-dieu. Miller met vraiment en avant Patrocle, qui est un personnage secondaire et qui reste oublié dans le mythe. Elle le met en valeur dans son roman et le fait se démarquer des autres. Elle a dit plusieurs fois dans des interviews qu'elle était fascinée par cette relation racontée dans l'Iliade de Homère. Miller met l'accent sur la loyauté et le caractère juste et humble de Patrocle. Elle a puisé son inspiration pour ce roman dans les textes littéraires qui ont représenté la guerre de Troie, dans les pièces de théâtre de Shakespeare, mais également dans ses propres voyages en Grèce. Ses recherches lui ont permis de perfectionner ses personnages et leur histoire. Elle appuie l'aspect dramatique du mythe sur la relation fusionnelle entre Achille et Patrocle, qui, attention spoiler, débouche malheureusement sur la mort des personnages. Finalement, on met en lumière le pouvoir des dieux qui est incontestable et que personne ne peut défier. Rien ne peut aller à l'encontre du destin de ces personnages, un destin imposé qu'ils ne peuvent éviter malgré leur effort. Et à la fin, ce destin est irrévocable. C'est triste, j'ai eu ma petite larme. Merci Valène pour cette chronique très intéressante. Vous l'aurez compris, Le Chant d'Achille, c'est un roman qui va sans doute vous faire pleurer, mais vous allez adorer ça. On va tout de suite enchaîner sur une chanson qui est une ode à la libération de la femme et à la maternité. Attention à l'accent, Mother's Daughter de Miley Cyrus. On se retrouve juste après pour la chronique des Winona sur Circe. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. I'm nasty, I'm evil. c'était Mother's Daughter de Miley Cyrus. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet et on est de retour dans l'émission Des livres et des mots. Pas de temps mort, on enchaîne tout de suite sur Winona qui voulait nous parler de Circé. C'est à toi. Oui, donc je voulais vous parler de Circé qui est la deuxième œuvre de Madeleine Miller sur le thème de la mythologie. Il est sorti en 2019 en France aux éditions Pocket à 8,50 en format poche. Savez-vous qui est Circé ? Raconte-nous tout. Eh bien, Circé est la fille d'Hélios et de Perséis. Elle a un grand nombre de frères et sœurs, mais ceux que nous voyons le plus dans l'œuvre sont Éétès, le roi de Colchide et le gardien de la Toison d'Or, et Pasiphae, la femme du roi de Crète, Minos. Donc, c'est une sorcière particulièrement douée dans la préparation de philtres, de poisons et de breuvages. Cependant, elle a un petit, vraiment très petit travers, a pas mal tendance à transformer les êtres humains en animaux. Ah ouais, quand même, rien que ça, dis donc. Ah bah vraiment, c'est banal, moi j'ai envie de dire. Et selon l'histoire d'Homère, elle s'exile sur l'île d'Aeaa après avoir tué son mari, le roi des Sarmates. Donc, il y a de nombreuses légendes en lien avec Circé. En même temps, j'ai envie de te dire... La mythologie, c'est un petit monde, hein, donc c'est normal. Oui, il est vrai. Je ne vais vous en citer qu'une, que nous retrouvons dans l'œuvre de Miller, ce mythe ayant lien avec Glaucos, le dieu marin. Il lui aurait demandé un philtre d'amour pour la belle Scylla, qui demeurait insensible à ses avances. Mais Circé tomba folle amoureuse du dieu et décida de changer Scylla en un monstre repoussant, et cela par pure jalousie. La pauvre n'avait rien demandé, rien fait, mais on la victimise quand même. Mais c'est la mythologie, encore une fois. Les victimes se font toujours punir, parce qu'elles sont victimes. Ça me fait penser un peu à Méduse pour les connaisseurs. C'est vrai. Elle est aussi connue pour avoir rencontré le grand et l'unique héros de l'Odyssée. Vous devinez qui ? Allez, un indice. On retrouve son nom dans un célèbre vers. Ça serait pas heureux qui, comme Ulysse, ça fait un bon voyage ? Exactement celui-ci, bravo. Comme on peut l'entendre avec ce vers, Ulysse a fait de nombreux détours avant de rentrer chez lui. L'un d'eux s'est fait sur l'île de Circé. Elle aurait accueilli Ulysse et son équipage pendant un an. Et je vous l'ai dit, elle a pas mal tendance à changer les hommes en animaux. Donc ce n'est pas très surprenant si je vous dis qu'elle a changé l'équipage d'Ulysse en porc. Sauf que Ulysse arrive à les sauver en menaçant Circé, qui se plie à sa volonté, comme son philtre n'a pas marché et qu'elle ne pouvait pas contrer son épée, elle n'a pas eu trop le choix. Eh ben, on dit merci qui ? On dit merci Hermès, qui avait décidé de protéger Ulysse et qui lui avait donné en amont un antidote et lui avait expliqué comment s'en sortir. Circé et Ulysse se sont beaucoup rapprochés pendant cette année. Ce rapprochement donnera d'ailleurs naissance à un certain nombre d'enfants, dont un en particulier, que nous retrouvons chez Miller, Télégonos. Pour en revenir un peu à la réécriture, Miller retrace, comme vous l'aurez compris, l'histoire de Circé comme vous ne l'avez jamais lue. C'est une œuvre féministe qui traite de sujets comme le mal-être, la quête de liberté, l'indépendance d'une femme sous-estimée et le pouvoir. Donc, nous suivons l'histoire de Circé de sa petite enfance à sa vie d'adulte, de mère. On la voit à travers toutes les étapes de la vie. Donc, une enfant seule qui cherche à être aimée. Une adolescente, entre guillemets, hein, puisqu'elle a déjà plusieurs centaines d'années, qui trouve enfin l'amour mais qui la poignarde dans le dos. L'adulte qui connaît le fardeau de la vie, parce que oui, rien n'est ni juste ni facile. Et enfin la mère qui ferait tout pour son fils. C'est assez compliqué de faire un vrai résumé. Il se passe beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai déjà dit, le livre se raconte par étape de vie, par histoire. Donc on ne peut pas vraiment dire « Oui, donc en fait, il se passe ça, ça et ça. » Et vraiment, ce n'est pas ce qui compte. L'important, c'est vraiment comment Circé réagit face aux situations auxquelles elle est confrontée. C'est son évolution qui est vraiment important dans cette histoire, en fait. Mais je peux quand même vous faire une sorte de résumé en vous parlant des personnages qu'on retrouve dans l'œuvre. Ça marche bien sûr seulement pour ceux qui ont des bases en mythologie. Désolé pour les autres. Donc, pour aider, je peux vous citer Prométhée, Athéna, Dédale, Médée et Jason, Glaucos, que je vous ai déjà parlé, son frère Éétès et sa sœur Pasiphaé. Waouh, dis donc, ça en fait du monde. Oui, et ce n'est qu'une partie. Ce qui est marquant dans ce livre, c'est que Miller a donné à chaque personnage une âme. Chacun a son importance dans l'histoire. Prenons l'exemple de Dédale, qui est pour rappel l'architecte du labyrinthe du Minotaure. On le retrouve dans quelques chapitres. C'est un personnage secondaire, pourtant il est sublimé. Il a une personnalité, une quête, une profondeur d'âme. Il est très noble et on s'attache facilement à lui. Le lecteur n'est pas submergé par une tonne d'informations sur lui. On le voit, on l'aime et on passe à autre chose. Donc ça fait un peu genre « Salut Dédale !» et puis « Au revoir Dédale !» C'est un peu ça, oui. Il y a un véritable équilibre entre fiction pure et informations sur les personnages. C'est très bien construit. Miller a donné des justifications à chacun des actes de Circé, parce que rien n'est fait sur un coup de tête, comme le laissent entendre les anciennes versions, qui, j'ai envie de dire, elles étaient écrites par des hommes dans un monde où la femme était soit un souffre-douleur, ignorante de surquoi, soit une sorcière qu'il fallait brûler. Donc ce n'est pas vraiment étonnant. C'est vraiment un aspect important que les anciennes versions ont occulté. Miller a évoqué dans une interview ce qui l'intéressait dans ce mythe, et sa réponse était très intéressante. Elle a fait le parallèle entre deux fées. Le fait que Circé soit une nymphe, qui est donc le dernier échelon en termes de pouvoir et de respect chez les divinités. Pour rappel, les nymphes étaient de simples pions sans aucun pouvoir sur leur propre vie. Elles étaient mariées de force, agressées, violées. Et bah dis donc, c'est vraiment pas facile d'être une nymphe chez eux. Pas du tout, ça donne pas envie. Hein. Le second fait est que Circé est vraiment puissante. Elle effraie les hommes, bien qu'elle soit dotée d'une grande bienveillance. Et là, bim, Miller, elle a tout compris. Le personnage de Circé en une phrase, deux caractéristiques, pouvoir et bienveillance. Si elle fait du mal, ce n'est pas pour rien, il y a une raison. Et en réussissant à faire comprendre ça au lecteur, Miller a réussi son livre. Je vous le conseille vraiment, vous allez le dévorer. Bref, lisez Circé, c'est génial. Merci Winona pour ta chronique. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'instant coup de cœur de notre émission. Des coups de cœur littéraires liés à la mythologie, de près ou de loin. On va commencer par Elisa. Je crois que tu voulais conseiller à nos auditeurs une série de livres. Exactement Léa. Alors démarrons les hostilités avec un roman de fantasy. Il s'agit du roman Le souffle de Midas, écrit par Alison Germain. Ce roman est disponible aux éditions du Chat Noir, dans leur collection Féline, au prix de 19,90€. Alors je suppose que vous souhaitez en savoir plus sur le livre. Eh bien, mes petits argonautes, je vais vous le dire. C'est l'histoire de Louise, qui est habitante de Cornouailles et employée dans une bijouterie. Elle se retrouve du jour au lendemain avec un pouvoir inattendu, après qu'une inconnue ait rendu son dernier souffle dans ses bras. Seulement, vous en doutez, personne ne la croit. À part le beau et mystérieux détective Angus Fitzgerald, qui va décider de la prendre sous son aile. Elle peut maintenant transformer en fait tout ce qu'elle touche en or, comme Midas à l'époque, vous en doutez, mais avec un brin de panique en plus. Et puis, cartésienne comme elle est, jamais, mais alors vraiment jamais, Louise n'aurait pu croire que ça puisse lui arriver. Elle a beau travailler dans une boutique de pierre, elle ne croit pas à leur vertu pour autant. Alors imaginez sa réaction face à des vrais pouvoirs placés entre ses mains. Peut mieux faire. Ouais, je sais, mais on fait ce qu'on peut. Et comme de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, bravo à ceux qui ont la ref, elle se retrouve poursuivie et en danger de mort. Pour ceux qui avaient oublié, Midas, roi de Phrygie, était passionné par l'or et l'argent. Lorsqu'il se voit un ami de Dionysos, le dieu lui accorda un vœu. Midas, qui était cupide et stupide, il exigea du dieu que tout ce qu'il touche soit transformé en or. Jusqu'à ce qu'il veuille manger et boire, mais qu'il se retrouve face à de l'or. Il supplia donc Dionysos de lui retirer son vœu, qui lui dit d'aller se laver dans le fleuve Pactole. D'où l'expression « toucher le pactole ». Ouais, bien joué, c'est exactement ça. Donc, même si pour le détective elle est bénie des dieux, pour Louise c'est quand même plutôt une malédiction. Tout le monde sera d'accord sur ce point, c'est vraiment pas facile de vivre avec des mains qui transforment tout et n'importe quoi en or, même son livre favori. Et vous, vous pensez qu'elle arrivera à se débarrasser de son pouvoir et qu'elle survivra au danger qui la guette ? On peut se poser la question, effectivement. Ouais, et je vous le dis, vous poserez ce genre de questions jusqu'à ce que vous ayez fini le livre. Voire même au-delà. La situation à la fin du livre nous pose tellement de nouvelles questions et on n'a vraiment qu'une seule envie, lire la suite directement. Hein. Vraiment, à la suite, sans une pause. Donc en résumé, Le souffle de Midas, c'est un roman de fantaisie qui se lit très rapidement. On est plongé dedans dès les premières pages et on a envie de savoir comment évoluent les personnages, mais surtout comment va évoluer la relation entre Angus et Louise. Tout le long, on est partagé entre désespoir, panique, désir, colère et vraiment beaucoup d'autres sentiments. Tous les éléments sont réunis pour nous faire tourner en bourrique. Il est vraiment difficile de décrocher avant la fin du livre. Et pour ceux qui seraient tentés par ce roman, un deuxième tome est sorti en 2019 et il s'appelle L'Ultime Oracle, également au prix de 19,90€. Et toi Léa, qu'est-ce que tu veux nous proposer ? Alors, merci pour ta chronique Elisa. Moi, j'aimerais vous parler d'un petit livre qui est sorti très récemment et qui a été un petit coup de cœur. Il s'appelle Moi Méduse, il a été écrit par Sylvie Bossier et il est sorti le 21 janvier 2021 aux éditions Scrinéo dans leur collection Mythologie. Alors, collection Mythologie de chez Scrinéo, c'est une collection qui s'intéresse pas aux héros de la mythologie comme on en a l'habitude, mais bien au point de vue des monstres qu'on oublie trop souvent. Je vais vous faire un petit topo sur le mythe de Méduse au cas où certains ne le connaissent pas. Méduse, c'est qui ? Eh ben, c'est l'une des trois gorgones, un trio de créatures malfaisantes, issues de la mythologie grecque, évidemment. Seulement, Méduse, c'est la seule des trois à être mortelle. Déjà, ça commence mal. C'est censé être la petite fille de deux grosses divinités, deux pointures dans le milieu, et elle est mortelle. Déjà là, c'est la faute à pas de chance. On va voir un peu la suite, on va voir si ça s'arrange. Spoiler alert, ça s'arrange pas. Parce que son chemin croise un jour celui de Poséidon, le dieu des mers, qui tombe complètement in love. Mais alors vraiment sous le charme d'elle. Et il lui fait des avances que bien sûr, elle va refuser. Hein, parce qu'il faut la comprendre. Poséidon, il a l'air déjà tout vieux, alors qu'il est plus jeune qu'elle. Il a une grosse barbe bien blanche, bien le Père Noël, et il a un trident. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelqu'un. Bref, malheureusement pour elle, Poséidon, il a pas trop envie de la laisser tranquille. Du coup, il va l'entraîner dans un temple et il finit par la violer à même le marbre. Bien sûr, vous vous en doutez, il va pas choisir le temple de n'importe quel dieu pour faire son affaire. Hein. Non. Il choisit le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse. Rien que ça. C'est pas n'importe qui. Hein. En plus, Athéna, elle a tendance à être un peu colérique et elle se montre pas sage du tout, puisqu'au lieu de punir Poséidon comme on s'y attendrait, hein, elle décide de s'en prendre à Méduse. Enfin, génial quoi. La meuf, elle a rien fait et c'est elle qui est punie. De nos jours, c'est pas facile d'être une meuf, alors imagine à l'époque. Tu refuses les avances d'un dieu, soit tu te fais violer, soit tu te fais transformer en monstre pas beau, ou pire, en arbre. Non, vraiment, être transformé en arbre et rester au même endroit pour l'éternité, imagine l'horreur. Mais c'est pas le sujet. Bref. Enfin bon, Athéna transforme Méduse en monstre, vraiment la pauvre. Ses cheveux deviennent des serpents, ses yeux se dilatent, ses dents deviennent des défenses de sanglier. Eh bien, bonjour la transformation et les frais de dentiste, hein Non, effectivement, je t'avoue, c'est pas pratique pour manger, à mon avis. Hein. Bref, désormais, tous ceux qui croient sans regard sont pétrifiés. Pour la faire courte, la pauvre Méduse va se réfugier très loin de la Grèce avec ses sœurs gorgones. Elle finira par mourir décapitée par Persée, un héros grec venu récupérer sa tête pour sauver sa mère des avances d'un roi. Bref, c'est une bien triste histoire. Et c'est donc ce mythe que reprend Sylvie Bossier dans ce roman très court destiné aux enfants à partir de 10 ans. On pourrait se demander comment elle a réussi à le faire. Bon. On découvre notre petite Méduse qui vit plutôt heureuse avec ses parents et ses sœurs. En plus, elle a des cheveux mais magnifiques, des cheveux que tout le monde admire et qui font la fierté de ses parents. L'histoire reprend complètement le mythe du viol de Méduse dans le temple d'Athéna jusqu'à sa mort. Méduse, elle est là encore punie par la déesse parce qu'elle a souillé le temple, à Skip, mais un peu aussi parce qu'elle aimait trop ses cheveux. Ah oui, donc elle n'a pas le droit de s'aimer. Non, parce que si tu t'aimes trop à l'époque, ou que tu te vantes un peu trop, t'as une déesse jalouse qui débarque et te transforme en quelque chose d'horrible. Mais ce qui est original ici, c'est le traitement de l'histoire. Parce qu'au lieu d'être dans la peau de Persée, on est dans la peau de Méduse. Et on voit à travers ses yeux. On se sent vraiment super mal pour elle. On est révolté par l'injustice dont elle est la cible. Elle-même, elle comprend pas pourquoi on l'a punie, alors que tout ce qu'elle a fait, c'est admirer ses cheveux, que tout le monde complimentait auparavant, hein, je le rappelle. Hein. et se faire abuser, mais ça, c'est pas trop de sa faute. C'est pas elle qui a fait quelque chose de mal, mais c'est elle qu'on punit. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus simple de détruire la victime que l'agresseur. Ça demande trop de remise en question. T'imagines la galère, en plus, dans la Grèce antique. J'y pense même pas. Ça témoigne bien du grand fossé qu'il y a entre les Grecs et notre société, où on se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais enfin, encore que c'est pas parfait aujourd'hui, non, c'est sûr. L'écriture est simple tout en étant riche. Elle est adaptée aux enfants, et même en tant qu'adulte, bah, j'ai trouvé ça assez agréable à lire, en fait. À la fin du livre, il y a même un petit dossier qui explique le mythe de Méduse et l'histoire de Persée. Il y a même des petites photos de tableaux et tout. Bref, c'est adorable. Une manière d'approfondir la lecture avec les enfants. Bref, moi, Méduse, c'est un livre à mettre entre les mains de tous les enfants de votre entourage. Et voilà pour ma chronique. On va faire une petite pause musicale, histoire de bien digérer toutes ces informations, parce qu'il y en a beaucoup. Une chanson sur la figure du héros né, qui nous fait revenir à Achille, la boucle est bouclée, Born Ready de Zaid Wolf. I don't believe in no devil, cause I done raised this hell. I've been the last one standing, and all the giants fell. Dans l'émission « Délivrer des mots » sur Radio Fadjet. Vous venez d'écouter « Born Ready » de Zaid Wolf. On parle toujours de Madeleine Miller, une auteure américaine qui s'intéresse beaucoup aux mythes grecs, mais pas seulement. Je vous propose de laisser de côté les coups de cœur pour l'instant. On y reviendra plus tard, ne pleurez pas tout de suite. Et Isa, je crois que tu veux nous parler des autres travaux de Madeleine Miller. On t'écoute. Merci Léa. Alors, maintenant que nous avons parlé de ses œuvres principales, je vais vous parler de ce que Madeline Miller fait à côté. Parce que oui, tu t'en doutes Jean-Mi, bah elle ne fait pas que écrire des romans. Mais d'abord, on va lui donner un peu plus de détails sur sa vie et ses deux romans. Alors, elle a d'abord obtenu un master en grec ancien et latin au Brown College de Providence dans l'état du Rhode Island. Provi quoi ? Providence. Tu sais la ville qui se trouve à une heure de Boston ? Non, je vois pas. Tant pis, c'est pas très grave. Après ça, elle a décidé d'enseigner pendant une quinzaine d'années le latin, le grec ancien et les œuvres de Shakespeare à des étudiants dans l'enseignement secondaire. Lorsqu'elle a écrit Le Chant d'Achille en 2011, elle a fait beaucoup de bruit et... Pour rien. Eh, sympa la ref à Shakespeare, bien joué. Grâce à son roman, elle obtient le Orange Prize for Fiction en 2012 et son livre entre dans la catégorie des célèbres New York Times best-sellers. Toujours en 2012, Madeline Miller est sélectionnée également pour le Stonewall Writer of the Year. Pardonnez mon accent. Le Chant d'Achille, il est devenu presque secondaire en fait quand Madeline Miller a publié Circé en 2019. Et croyez-le ou non, Circé a été un succès immédiat. Il a fait vraiment l'unanimité dès sa sortie. Numéro 1 direct dans le New York Times best-seller, elle a remporté les Indies Choice Awards pour la meilleure fiction adulte de l'année et pour les meilleurs livres audio. Elle a été nominée pour le Women's Prize for Fiction de 2019, mais elle a également gagné le Red Tentacle Award, l'American Library Association Alex Award et le Elle Big Book Award de 2018. Ouh, je suis presque devenue asthmatique avec toutes ces récompenses. Moi je vous le dis, on est presque au niveau de Michael Phelps. Et il faut croire qu'elle ne s'arrêtera pas aux champions olympiques puisque la plateforme HBO Max a prévu de faire une série de 8 épisodes sur ce succès. Eh bien, ça rigole pas, hein ? Non, vraiment. Et maintenant qu'on a reparlé de ses œuvres principales, je vais m'intéresser aux autres choses qu'elle a écrites. Alors, ses œuvres secondaires sont beaucoup moins connues, surtout en France, mais ça n'empêche pas Miller d'être prolifique. Elle a écrit pas moins de 6 essais, 2 critiques littéraires et 2 pièces de théâtre. Vous vous rendez compte du nombre de pages et de mots qu'elle a écrits ? Ah, et j'ai failli oublier. En plus de ça, elle a écrit 2 nouvelles, aussi sur la mythologie grecque, et qui, malheureusement pour nous pauvres Français, ne sont disponibles qu'en version anglaise aux États-Unis et au Royaume-Uni. Oui, je vous vois, vous êtes déjà triste. Vous inquiétez pas. La première, Galatée, du nom du personnage, est une nouvelle d'une vingtaine de pages qui a été publiée en 2013 au format numérique. Vous voulez savoir de quoi ça parle ? Voilà l'histoire. Ça se passe dans la Grèce antique, où un sculpteur de marbre talentueux a été béni par la déesse Aphrodite, qui a donné la vie à son chef-d'œuvre, alias la plus belle femme que la ville ait jamais vue. Et maintenant que Galatée, la statue qui a pris vie pour ceux qui suivent, est devenue la femme du sculpteur de marbre, on s'attend à ce qu'elle soit l'obéissance et l'humilité incarnée. Sauf pas que vous en doutez, Galatée, elle va pas attendre longtemps pour savoir comment utiliser sa beauté pour manipuler. Allez, avouez que ça vous donne envie de lire cette nouvelle, même si elle est en anglais et au format numérique. La deuxième nouvelle s'appelle Héraclès's Bow, qu'on pourrait traduire par Arc d'Héraclès. Alors, c'est déjà difficile d'obtenir la première nouvelle, mais alors celle-ci, elle est vraiment pire. Puisqu'on la retrouve seulement dans l'édition spéciale Waterstones du Chant d'Achille. Et je vous vois venir, vous voulez en savoir plus. J'y viens. L'Arc d'Héraclès est une nouvelle de 11 pages qui parle de Philoctète. Philoctète, c'est l'ancien compagnon d'Héraclès, qui va récupérer son arc et ses flèches empoisonnées quand ce dernier meurt. Et au moment de la guerre de Troie, Philoctète, il est convoqué par Agamemnon pour qu'il se batte pour la fameuse et belle reine Hélène. Et tout ça, bah devinez quoi, à cause du serment qu'Héraclès avait fait lors du mariage de la belle avec Agamemnon. Et je préfère quand même vous prévenir, pour ceux qui vont le lire, attention à ceux qui sont sensibles et ont l'alarme facile. Encore ? Ah ouais, bah c'est un peu le lot de la mythologie hein, quand même. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce que Madeline Miller a fait, je vais vous parler de ce qu'elle est en train de faire. Et je vous avoue que si vous espérez un autre roman mythologique, vous allez être un peu déçus. Dans un article du Times of India d'avril 2019, Miller nous dit que son prochain roman sera une réécriture de La Tempête de Shakespeare. Et oui, messieurs, dames, notre auteur s'attaque à Shakespeare. Mais est-ce réellement étonnant venant de quelqu'un qui est spécialiste du dramaturge ? Pas sûr. En tout cas, on sait déjà qu'elle approfondira le texte initial, puisqu'elle a déclaré, je cite, « ouvrez les petits guillemets ». Les choses que je veux dire à propos de ça nécessitent un roman, car je veux voyager au-delà des limites du texte. Fermez les petits guillemets, fin de citation. Et c'est sur cette petite note de suspense et en vous laissant sur votre faim que je signe la fin de cette chronique. Merci Elisa pour toutes ces informations. On fait une nouvelle petite pause dans notre émission avec une chanson qui parle de préjugés de genre et de relations toxiques entre hommes et femmes. C'est la chanson de Sheila, Si j'étais un homme. Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne. Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Je te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme. Vous venez d'écouter Si j'étais un homme, une chanson de Sheila. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet et dans l'émission des livres et des mots. On reprend ce que vous attendiez tous et toutes. Je le sais, je vous ai lu. C'est nos coups de cœur sur des œuvres littéraires en lien avec la mythologie. Tiens, on va écouter qui maintenant? Winona? Oui, avec plaisir. Donc moi, je ne vais pas vous conseiller un livre de littérature, mais une sorte de répertoire des plus grandes figures mythologiques grecques et latines. Si vous ne connaissez pas la mythologie et que vous voulez vous y mettre, ce livre est fait pour vous. Il s'agit des héros de la mythologie, écrit par Aude Gomin et illustré par Anne-Laure Baroutsklikos. Il est sorti aux éditions Marabout en 2020 au prix de 19,90€. Donc, ce livre est composé de 6 chapitres. On y parle des 12 dieux de l'Olympe, des divinités secondaires, des grands héros, des aimés, donc qui sont les personnages adorés des dieux pour ceux qui ne le savent pas, des épopées et enfin des grands monstres mythologiques. Chaque figure est développée dans des mini-paragraphes et on retrouve des parties types dans chaque description. Donc il y a le nom du personnage avec sa légende, qui nous raconte un peu sa place dans la hiérarchie divine et son rôle. Une étiquette avec son nom romain, l'étymologie de son nom, ses parents, enfants, mari, femme, quand il y en a. Une rubrique « Trouver, insérer le nom du personnage sur lequel vous êtes » et enfin, des œuvres en lien avec la figure. Ce livre nous donne beaucoup d'infos, mais ce n'est pas pour autant un saumon. Les infos sont associées à d'autres œuvres cinématographiques, artistiques, littéraires. L'auteur nous raconte aussi des petites blagues qui améliorent notre expérience de lecture, tout comme les illustrations qui sont souvent complémentaires. On retrouve tous ces éléments dans, par exemple, la description de Poséidon. Donc, on peut trouver comme référence le père de la petite sirène. Donc, Poséidon est illustré comme ce roi qui n'en peut plus d'entendre Polochon chanter « Sous l'océan, sous l'océan !» Maintenant, j'espère que vous l'avez en tête. Bon, un petit peu de sérieux, mais pas trop quand même. Parce que je vais vous parler des blagues. Sacrées blagues, hein. Elles sont pas excellentes, mais elles nous font quand même rire. Par exemple, lorsque l'auteur nous parle de l'enfermement des titans dans le tartare, elle rajoute « ça envoie du steak » par rapport au steak tartare. Vous voyez ? Ouais, c'est pas fou. C'est pas ouf, mais ça a le mérite d'être là. Et comme on s'y attend pas, ça nous fait rire. Il y a vraiment ce genre de choses dans toute l'œuvre et ça permet de pas nous lasser. C'est même contraire, on a envie de connaître quelles sont les autres références, quelles sont les autres blagues. On les recherche, c'est assez addictif. Vraiment, c'est un très bon ouvrage, il est à dévorer, je vous le conseille. Eh bien, un bouquin sans doute très intéressant qui plaira sans doute aux gens qui veulent découvrir la mythologie comme à ceux qui la connaissent déjà. Il me semble qu'il ne reste plus que Valène qui doit présenter son coup de cœur. On t'écoute. À mon tour pour le coup de cœur. Cette fois, ça sera sur un manga shonen basé sur la mythologie grecque. Et ce n'est autre que Tada Senseiya, aussi connu sous le nom Les Chevaliers du Zodiac et notamment dans le Club Dorothée. C'est un manga de Masami Kurumada publié en France aux éditions Kana à partir de 1990. La version de luxe qui contient 22 tomes est au prix de 12,70€ par volume. N'ayez pas peur, c'est un vieux manga, mais les old school restent les meilleurs. De son manga, on suit un jeune orphelin du nom de Seiya, qui est obligé de s'entraîner depuis son enfance en Grèce pour devenir un chevalier d'Athéna. Mais c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire de sa vie. En même temps, il n'y a pas vraiment de cursus chevalier d'Athéna après le bac, je crois. Hein. Non, effectivement, mais ça serait bizarre. Bref, son véritable but est de retrouver sa sœur. Mais pour savoir qui c'est, il faut lire le livre, le manga. La déesse Athéna décide d'organiser un tournoi et nos jeunes héros se verront obligés d'y participer. Le gagnant obtiendra l'armure d'or du Sagittaire, qui est réputée pour sa puissance, mais le tournoi ne va pas se passer comme prévu. Le mangaka a mélangé la mythologie grecque et les constellations du zodiaque pour créer ce chef-d'œuvre. Les personnages sont très charismatiques, en particulier avec les chevaliers d'or et le chevalier d'argent et les chevaliers de bronze. Les ennemis ne nous laissent pas sur notre faim, puisqu'il s'agit tout simplement des dieux. L'épreuve finale du cursus, c'est un combat contre les dieux. Il a l'air super fun en fait. Et l'un des plus grands craindre n'est autre que Hadès, le dieu des enfers. Ce manga met en scène des combats épiques, il y a des flashbacks des plus bouleversants. J'ai eu moi-même mon petit quart d'heure larmichette. Et surtout, de nouvelles amitiés se forgent et permettent aux personnages de devenir encore meilleurs et toujours plus forts. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce manga, et malgré ses 22 tomes, on reste accroché tout du long grâce à un scénario explosif et intrigant. Merci Valène, on arrive tout doucement à la fin de notre émission, mais pour la finir sur quelque chose d'un peu plus libre, un peu plus papote, je vais vous poser une question. Si vous deviez choisir un seul personnage de la mythologie grecque, vous prendriez qui ? Tiens, je vais demander d'abord à Elisa, tu veux prendre la parole ? Ouais, je veux bien démarrer les hostilités. Ben vas-y. Moi, si je devais prendre un seul personnage, je pense que je prendrais Perséphone. Parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, Perséphone, c'est quand même une déesse qui est plutôt connue. C'est quand même la fille de Déméter et de Zeus. C'est ça. Et faut pas oublier, c'est que Hadès est son mari, mais aussi son oncle. Ouais, mais là, c'est quand même changé, quoi, donc pas ouf. Hein. C'est vrai, j'avais oublié. Elle fait quand même partie des grandes divinités. Elle a également deux noms. Je trouve que c'est quand même pas très courant chez les dieux, la mythologie. Et c'est lié au fait qu'elle passe la moitié de l'année dans les enfers et la moitié de l'année sur Terre. Parce que vous en doutez, enfin, quand Perséphone a été kidnappée par Hadès, bah, Déméter n'était pas très très contente, quoi. Donc Zeus a réussi à faire un compromis en disant « Le printemps et l'été, tu passes la vie sur Terre, et l'automne et l'hiver, tu vas aux enfers. » Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, Déméter, je crois qu'en plus, elle a bien déprimé quand elle n'a pas trouvé sa fille. Tu m'étonnes que... Elle a un peu menacé d'affamer la Terre jusqu'à ce qu'elle trouve sa fille. Ça, c'est Déméter, quoi. C'est... Mais c'est l'invention de l'hiver et de l'automne, non? Oui, bah oui. Enfin, de l'hiver et de l'été, oui, plutôt que d'automne. Pour revenir à ces deux noms. Parce que c'est l'invention de l'hiver et de l'automne. C'est dans cette période qu'il y a la famine. Donc, maintenant que vous savez qu'elle passe 6 mois sur Terre, 6 mois en enfer, bah, ça explique le fait qu'elle a deux noms. Elle s'appelle Corée quand elle est sur Terre, donc par rapport au printemps et à l'été. Corée, si je ne me trompe pas, l'étymologie, c'est fille du printemps. Et elle s'appelle Perséphone lorsqu'elle est aux enfers. Perséphone, il me semble que l'étymologie, c'est celle qui amène la mort. Ah oui. Joyeux. Mais du coup, toujours en lien, au final, Perséphone, elle représente en fait le cycle de la vie. Lorsque l'hiver arrive, elle se réfugie sous terre et elle sort au printemps. Un peu comme les plantes, en fait. Je sais pas. Ouais. C'est une belle plante. Oui. C'est une belle plante. Tu m'as tendu la perche, là. Ouais, c'est une belle plante. Et puis, pour ajouter mon dernier argument, c'est que Perséphone, elle est quand même très représentée dans l'art. Que ce soit les tableaux, les œuvres littéraires, et très récemment, pour ceux qui connaissent, un webcomic sur Webtoon. Où elle est le personnage principal. Oui, c'est vrai. Bonne série pour ceux qui connaissent. Oui, en version moderne, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Elle est toute rose. Oui, elle est toute mignonne. C'est une belle plante. Rose. Tu vas prendre la suite. Moi, je viens. Alors moi, sans aucun doute, mon personnage, c'est Prométhée. Donc Prométhée, on l'associe à Épiméthée. C'est lui qui nous a donné le feu. On l'appelle le prévoyant. Enfin, on l'appelle pas comme ça, mais son nom veut dire le prévoyant. Et vraiment, comment on ne peut pas le choisir? Le mec, il s'est sacrifié pour nous. Il nous a toujours préférés aux dieux. Il a pris parti pour nous, contre eux. Donc, c'est grâce à lui qu'on a la viande aussi. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les hommes devaient faire des offrandes aux dieux. Prométhée a proposé à Zeus soit des os, soit de la viande. Sauf que les os étaient enduits de graisse odorante et la viande était un peu mise de côté en mode c'est nul. Du coup, Zeus a choisi les os. Et nous, on a pu garder la viande pour se nourrir. Okay, donc quand même, c'est mieux, sinon c'est un peu mort de faim, hein, j'ai envie de dire. Donc en gros, pour les Grecs, s'ils pouvaient se taper des bons gros steaks, c'était grâce à Prométhée en fait. Exactement. Donc, voleur de feu, il nous défend contre tout. Et puis, à cause de ça, il a été puni. Donc, clairement, c'est pas ouf. Hein. C'est le dévouement. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il est le métaphore des rébellions pour atteindre la connaissance. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est magnifique. C'est poétique. Hein. Mal, tellement c'est beau. En plus, sa punition, elle est vraiment, horrible. Quoi. Il se fait bouffer le foie tous les jours par un aigle. Ouais, j'avoue que comme c'est un titan, on ne peut pas mourir. Sa peau se régénère. C'est assez. Mais il y a un jour, c'est Héraclès, il me semble, qui a décidé de le délivrer parce qu'il avait un peu de pitié. Bah oui, il est resté quand même sur le Caucase, là où il était enfermé, en signe de. Je suis libre, mais je ne vais pas désobéir à Zeus, sinon ça va être pire. Oui, vraiment, il n'est pas bête. Hein. Connaissant Zeus, mieux vaut pas le chercher quand même. Hein. Bon. Bah, je veux bien continuer, allez. Alors moi, je vais vous parler, j'ai choisi Médée, parce que Médée. Bon, alors Médée, pourquoi j'aime Médée? Ben, parce que tout d'abord, c'est une magicienne. Et moi, il faut savoir que j'adore, mais alors, vraiment, j'adore les sorcières. Donc Médée, sorcière, magicienne, c'est comme Circé, ben, je l'adore. D'ailleurs, Médée, c'est la nièce de Circé. En fait, c'est la fille de son frère Aétès. Et rien que ça, en fait, ça montre que la mythologie, c'est un tout petit monde, vraiment. Un tout petit. Le nombre de personnages qu'il y a est pas très, très petit, hein, mais... Bah après, c'est beaucoup entre frères et sœurs, donc... Oui, c'est ça, oui. Aussi. La surpopulation de la Terre, quoi. C'est une même famille. C'est ça. La mythologie, c'est une famille. Voilà, c'est ça. Alors, la raison numéro 2 de pourquoi j'aime Médée, c'est parce qu'elle change un peu des femmes dans la mythologie. En vrai, quand tu regardes son CV, elle est pas très sympa, la Médée, parce que bon, elle est fratricide, responsable d'un parricide et infanticide. En plus, d'autres petits crimes un peu random. Mais elle change un peu des femmes de la mythologie parce que les autres femmes, elles sont toutes tranquilles, elles donnent naissance à des héros ou à des dieux. Au contraire, elles se retrouvent punies parce qu'elles se sont trop aimées, elles se sont trop vantées comme méduses, ou encore pire, parce qu'elles n'étaient pas très futées, quoi. Bref, Médée, je la trouve forte, elle est peut-être un peu trop amoureuse de Jason, mais parfois habitée par des pulsions meurtrières aussi, parfois. Mais elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut pas. Et en fait, je trouve que ça fait d'elle une femme libre, indépendante. Du moins, moi, je l'interprète comme ça, quoi. En vrai, elle va toujours refuser de faire ce qu'on lui dit, et notamment de se soumettre aux hommes. Et pourquoi je l'aime ? Troisième raison, c'est une femme qui est savante. Elle est magicienne, et chez les Grecs, les magiciennes, elles connaissaient les plantes et les pouvoirs de la nature. Donc elle a su s'imposer au sein d'un monde grec qui considérait que les femmes, elles n'avaient aucune intelligence ou pouvoir, et c'est un monde qui éduquait pas les femmes. Donc Médée, elle apparaît un peu comme « waouh, elle est super en avance pour son temps, quoi ». Elle revendique aussi, et ça c'est important, une sexualité épanouie, parce que il me semble que quand Jason l'abandonne, elle va se plaindre, en fait, elle va dire que elle est triste parce que son mari ne vient plus lui faire l'amour. Et donc, enfin, moi, je trouve ça vachement super en avant pour son temps. Et c'est une femme éduquée, libérée. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle dérange un peu trop, en fait. Ouais, moi, je pense qu'elle dérange parce que c'est une psychopathe. Hein. Bien, Emma, elle a tué ses propres gosses parce que son mari se tapait quelqu'un d'autre. C'est un peu exagéré, quoi. Alors, et elle part sur un char tiré par des dragons. Alors ouais, mais dans certaines versions, en fait, Médée, c'est pas elle qui tue ses enfants. Dans d'autres versions, en fait, c'est les Corinthiens qui caillassent les enfants quand Médée s'en va parce qu'elle est triste que Jason les répugnait. Mais du coup, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours Médée qui tue ses enfants. Ça, c'est un truc d'Euripide, qui était un dramaturge grec. Mais du coup, c'est pas toujours le cas. Valène, t'as choisi qui, toi ? Ah bah moi j'ai choisi Orphée, hein. C'est un peu c'est un héros de la mythologie grecque, c'est un peu l'homme parfait comme on dirait, parce que alors... il fait de la musique, il est poète et il ferait n'importe quoi pour aller sauver sa femme Eurydice, même jusqu'aux enfers. C'est pas tout le monde qui ferait ça quand même. Ah non, en plus, il est hyper fidèle. Rares sont les dieux ou les héros qui sont fidèles dans la mythologie. Il y a que Orphée que je vois qu'il est. Ils connaissent pas le mot fidélité. C'est pas inventé ça encore. Bah, lui au moins il va aller jusqu'à sauver sa femme Eurydice en enfer, mais malheureusement ça va pas se passer comme prévu, hein, parce que Hadès lui demande de sortir des enfers avec sa femme, mais le problème c'est qu'il ne doit pas se retourner. Et lui, bah comme un bêta, il se retourne. Un bêta. Eurydice, elle est plus là. Ah bravo. Du coup elle est restée en enfer. Du coup, il est parti pleurer sa femme qui ne verra plus. Et bien sûr, il y a des trois sorcières, trois bachantes ou médanes, comme on dit, des sortes d'adoratrices de Dionysos, qui essayent un peu de rendre Orphée infidèle. Mais lui, comme il est fidèle, il veut pas se laisser tenter. Elle, jalouse de cette fidélité, elle le tranche en plusieurs morceaux et le jette dans la rivière. Vraiment, le super. Le pauvre. Avant, il a fait... Tu es un bon type, tu mourras pour ça. Bah, de toute façon, quand encore... on a entendu pour les autres dieux, ils finissent toujours mal quand ils font des bonnes choses. Donc, Il n'a rien fait, il est victimisé. Comme bah, pour une fois, c'est un homme. C'est ça. Ouais, j'avoue. Ça a marqué, ouais. Bon, un petit peu de finalité. Après, faut dire qu'Orphée, il est un peu allé les chercher aussi, les bacchantes, parce qu'il était tellement triste qu'il s'est dit, bon... j'en ai marre un peu de la vie, je vais voir ces meufs, enfin ces dames là-bas qui ont l'air un peu folles et puis je vais les embêter un peu. C'est aussi une autre version. Après, il y a d'autres versions où comme quoi c'est Zeus qui le foudroie parce qu'il a Il a dit des choses, des secrets divins qu'il n'aurait pas dû dire aux mortels. Et il y a plein de versions de sa mort, mais c'est l'une qui l'a plus raconté, et l'une presque des plus tristes, hein, en fin de compte, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait et que bah il n'a pas vraiment fait trop de mal et il s'est fait déchiqueter, quoi. Ouais, c'est pas fou, quoi, comme fin, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a une fin bien dans la mythologie grecque? Je suis pas sûre, vraiment. Non. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Alors, on n'a plus 4 heures parce qu'on arrive à la fin de notre émission, en fait, sur Madeleine Miller et la mythologie. On vous remercie de nous avoir suivis durant cette heure. Merci à vous, les filles. Et, merci à toi. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée sur Radio Fadjet. Au revoir. Bonne journée.